voir le passé. On s'est marché arrière cassé parce que j'ai vu que vite on t'effaçait. On t'effaçait, t'as rien pour vont te remplacer. On s'est marché arrière cassé parce que j'ai vu que vite on t'effaçait. On t'effaçait, t'as rien pour vont te remplacer. Faut pas trahir la cosa. Papa, papa, j'ai un avenir, papa. Faut pas trahir la cosa. Papa, papa, j'ai un avenir, papa. Faut pas trahir la cosa. Papa, papa, j'ai un avenir, papa. Faut pas trahir la cosa. Papa, papa, j'ai un avenir, papa. En affaire, le plus important, c'est l'honnêteté, l'intégrité, le travail, la famille. On est ce qu'on est sur cette terre. De deux choses l'une. Soit on est quelqu'un, soit on est personne. Ne bougez pas, je reviens.